Les panneaux à fond jaune sont temporaires. Je vais traverser une zone de la ville en travaux. Ce panneau de danger m'avertit que d'ici quelques dizaines de mètres, la chaussée va rétrécir et que je dois donc ralentir. En aucun cas, il ne me dit que la circulation se fera à sens unique. C'est ce panneau qui annonce cela. Il ne dit pas non plus si la circulation se fera sur une seule voie, ni laquelle. Réponse B et C.